Formation complète. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Bienvenue au Grain de Sable en cette belle journée d'automne. Merci d'être là, Étienne Blondeau. Bonjour. Bonjour, et tu vas nous parler de désarmer la finance. Oui, c'est ça. C'est un des grands thèmes chez nous à TAC et c'est vraiment important d'en parler. Moi, je repense toujours à une citation de mon économiste préféré, il s'appelle Michael Hudson. Lui, il a tendance à dire que lorsqu'on regarde l'économie d'aujourd'hui, faut oublier les idées marxistes, parce que les idées marxistes, généralement, c'était de dire que tous les problèmes étaient liés à la relation entre le patron et l'employé. Hein? Tous les problèmes, c'était la domination du patron sur l'employé, mais ça raconte pas assez bien ce qu'est la finance moderne. Et notre problème avec la finance moderne, faudrait plutôt imaginer la relation entre le rentier, ou banquier si vous préférez, et l'endetté. En fait, c'est à peu près ça qui explique les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Les gens sont endettés. Auprès de qui? Auprès des banques. Hein, le problème est posé d'entrée de jeu. On parlera même tout à l'heure avec Raphaël Langevin. À qui appartient la dette? Qui est en fait le chapitre 6 du livre que Attaque Québec a sorti récemment, « La dette du Québec, vérité et mensonge ». C'est ça, je peux pas imaginer que pour les problèmes de dette publique aussi, dès qu'on essaie de retracer l'origine de cette dette-là, forcément on va encore arriver à la finance, aux banquiers, et leur place est tellement énorme, leur puissance est tellement inquiétante, que la question se pose, comment on désarme la finance? La finance qui, je pourrais dire, vampirise toutes nos énergies alors que l'économie réelle essaie de fabriquer des produits, fabriquer des choses, des compagnies. La banque, elle, un peu plane au-dessus et vampirise l'argent. Mais c'était une... Il y avait un atelier ou une grande conférence sur ce sujet au Forum social mondial, n'est-ce pas, à Montréal? Exact, c'est ça. C'est de là que vient le thème, évidemment. Désarmer la finance, c'était une très belle présentation. C'était organisé par Attaque France et Attaque Québec à Montréal cet été. Pour ce qui est des intervenants, on avait deux économistes de France, Dominique Plion, Cédric Durand. Et il y avait aussi les intervenants Frédéric Lemaire d'Attaque France et Claude Vaillancourt d'Attaque Québec. Alors, tous ceux-là voulaient nous apporter des solutions aux problèmes actuels parce que cet événement-là à Montréal, c'était souvent pour décrier les problèmes de la finance. Alors, il fallait trouver des remèdes. Mm-hmm. Et je rappelle pour l'instant qu'Attaque Québec ou Attaque France, Attaque, c'est un acronyme qui nous rappelle cette association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. Oui. La taxation des transactions financières, c'est très important parce que c'est l'idée de départ qui a donné naissance à ATTAC et ATTAC qui s'est créée dans plein de pays du monde parce que, évidemment, la puissance exagérée de la finance est présente aux quatre coins de la planète. Comme dirait-on, passer à l'ATTAC pour créer un monde juste et solidaire. Oui, et les solutions... c'est Dominique Plion qui a fait une belle liste de solutions pour réduire le pouvoir des banques dans nos économies. J'avais eu le temps de mentionner ça, je crois, le mois dernier, qui voulait casser les banques selon leurs activités. Puis on aurait d'un côté les banques de dépôt et d'un autre côté les banques d'investissement, celles qui sont du genre endettées, les pays et les compagnies avec des produits de plus en plus complexes. Il faudrait qu'on sépare totalement leurs activités. Que jamais ces banques où nous, petits déposants, on dépose notre argent, nos chèques de paye, jamais que cet argent-là soit investi en bourse ou dans des produits extrêmement complexes comme les subprimes qui leur ont explosé au visage en 2008. C'est que ça, j'avais déjà mentionné, mais aussi, il voulait souligner au Forum social de Montréal le problème des banques systémiques. Il a dit qu'au travers... C'est quoi les banques systémiques? Ça, c'est 24 banques qui sont tellement énormes que si elles venaient à faire faillite, l'économie entière mondiale, le système au grand complet, coulerait avec eux. Les Anglais ont le fameux terme pour ça, « too big to fail ». Est-ce qu'ils sont surtout situés à la Cité de Londres ou à New York ou à Zurich ou À tous les endroits que tu as mentionnés, il n'y a pas de banque canadienne parmi la liste. Là. Sans nous faire la liste complète, il y avait une belle représentation des pays les plus riches, finalement. Beaucoup d'Américaines, beaucoup d'Anglais. Est-ce que la Chine est un joueur, j'imagine, maintenant? La Chine, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, je reviendrai peut-être là-dessus sur la Chine plus tard cette saison parce qu'ils sont surtout des partisans des banques publiques. C'est un modèle très intéressant, d'ailleurs. Alors, lorsqu'une banque est trop grande, la logique, c'est de la casser en plus petits morceaux, en plus petites compagnies. Comme ça, lorsqu'elles sont très petites, les banques, s'il y en a une qui fait des mauvais investissements, parce que leur description de tâche, c'est pas compliqué, c'est de trouver des prêts pour des compagnies ou des gens et des projets, des prêts qui vont rapporter. Alors, s'ils font mal leur travail et qu'ils prêtent dans des projets ridicules et qu'ils s'écroulent, c'est de leur faute. Il ne faudrait pas qu'ils emmènent tout le monde dans leur chute. Alors, il faut s'assurer que jamais ils ne dépassent une certaine taille, le plus petit possible, j'ai envie de dire. Et c'est ça. D'autres solutions, ils parlaient de nationaliser les banques. Pour faire simple, c'est un peu le modèle chinois. Et d'ailleurs, l'extraordinaire ascension de la Chine... Première économie mondiale, première puissance militaire mondiale, et même, j'ai envie de dire, bientôt, peut-être une puissance technologique. Hein, les super ordinateurs chinois dépassent les Américains, ce qui est très surprenant au moment où on se parle. Tout ça, ça vient essentiellement de finances qui est étatique. T'sais. C'est l'État qui crée des prêts pour ses compagnies. Ils n'ont pas à aller chercher à des taux qui sont quasiment du banditisme là, auprès de la finance internationale. Des taux usuriers. Oui, c'est le mot approprié. Et Dominique Plion, lorsqu'il parlait de désarmer la finance, il avait mentionné, des banques qui pourraient être des coopératives, mais nous, c'est ça, on a en tête l'exemple de Desjardins qui n'est pas très intéressant. Il y a encore mieux la Caisse d'économie solidaire, Desjardins, oui. Qui réinvestit les intérêts composés, cumulés, dans la machine, finalement, et non pas de retour au client. C'est ça, c'est vraiment... Ben, la coopérative, c'est vraiment un état d'esprit. Et moi, j'avais déjà vu en conférence Guy Bédard, lui, il parlait... C'est un de ceux qui a créé la branche Aide internationale de Desjardins. Okay, J'oublie en quelle année, mais ça remonte très loin en arrière. Oui. Et ce Guy Bédard-là, lui... SDID. Il s'était fait demander, mais qu'est-ce qui se passe avec Desjardins? On la reconnaît plus... On dirait que c'est une banque comme une autre. Et lui, vraiment, il avait le visage vraiment déçu de ce qui était devenu oui. Desjardins. Même chose Claude Bellan. Oui. J'ai assisté à une soirée des sages au projet Écosphère, à la foire Écosphère de Magog, oui. Qui se tenait en septembre dernier. Et il y avait Roméo Bouchard, qu'on aime bien, le José Bové canadien ou québécois plutôt, avec Claude Bellan. Et c'était vraiment inspirant. On sentait une communauté d'esprit entre ces deux et une grande déception, justement, de Claude Bellan, de ce qu'est devenu le mouvement Desjardins. C'est ça. Et la question, c'est comment quelque chose qui est coopératif au départ devient une banque comme une autre. Guy Bédard lui a dit, c'est très simple. Au poste supérieur de Desjardins, lorsque des postes étaient libres, qu'il fallait engager du monde, ils ont engagé des banquiers. Ils ont vraiment cherché... Dont Monique Leroux, là. C'est ça. Qui a oublié Québec dans la sélection de gens d'affaires pour changer le monde sous l'ère libérale. Ben oui, ils cherchaient spécifiquement du monde qui avait des années d'expérience dans des banques ordinaires et les engageaient à Desjardins. Alors, ce qui devait arriver, arriva. Oui. C'est devenu une banque comme les autres. Parce qu'ils ont engagé des banquiers comme les autres. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est peut-être pour ça que le modèle coopératif est un peu fragile. Mais bon, même des banques d'État pourraient, s'ils engageaient des banquiers, ils pourraient peut-être avoir un problème similaire. Et bon, ce qui est plus intéressant, je dirais, c'est encadrer les marchés en décidant d'interdire les produits les plus dangereux. Par exemple, trading à haute fréquence, celle qui utilise du fibre optique et que c'est plusieurs transactions par seconde, des milliers de transactions par seconde, on peut deviner que c'est extrêmement dangereux. Hein. Ça permet, c'est-à-dire que le marché est très volatile, les prix peuvent monter, s'effondrer en secondes, en fractions de secondes. Il faudrait essayer de mettre un plafond à la vitesse de ces transactions-là. Ça dépasse l'imagination humaine. Ben, personnellement, c'est sûr que moi, je suis un peu un partisan pour oublier le trading parce que c'est pas quelque chose qui est tellement utile. J'irais peut-être plus loin que d'empêcher, que de régler la vitesse là, ou le niveau de ces transactions-là. C'est qu'elles sont inutiles. C'est souvent de la vente d'actions d'entreprise qui existent déjà. Hein. Souvent, on achète la dette souvent. C'est ça. Les gens achètent les dettes des autres puis la revendent. Faut vraiment une relation de banquier à son client. Quelque chose de simple. Et on peut avoir des infractions. Tu me dis, souvent, les transactions vont trop vite. Mais quand on va trop vite avec sa voiture ou même à vélo, on a des contraventions. Alors, il faudrait finement trouver une façon de contrevenir, d'avoir des lois coercitives, des règlements coercitifs qui font en sorte que les gens qui dépassent la limite ont une taxe sur les transactions financières. On revient au principe de base qui ont donné naissance à Attaque Québec, Attaque France. Il y a de nombreuses décennies, il y avait l'économiste Tobin qui, lui, déjà à son époque, trouvait les transactions extrêmement rapides. Et ça, on était avant la fibre optique. Alors, imaginez les yeux qui frappent. D'ailleurs, on a même surnommé cette première philosophie de taxation la taxe Robin. D'autres disaient Robin Hood, mais c'était pas Robin dans le prénom de Robin Hood, mais plutôt Robin, le nom de famille de cet économiste anglais, qui avait pas rapport avec le ministre des Finances que le Canada a eu, là, Brian Tobin, qui venait de Terre-Neuve. Il n'y a aucun lien de parenté avec, là, juste pour spécifier. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de faire une taxe sur chaque transaction, quelle qu'elle soit. Et sur la vitesse à laquelle elle est faite, comme tu dis, non? Ben, en un sens, ça suffirait de juste une taxe qui serait la même partout. Souvent, on parle de quelques centièmes de cents. Oui, mais ça donnerait quelques centaines de milliards en résultat. Hein. C'est ça. C'est que l'idée, c'est que ceux qui font des transactions tellement rapides, il y aurait la taxe des milliers de fois par seconde. C'est comme j'ai dit, la vitesse, c'est transigé. Enfin, on pourrait faire payer le 1%. Alors, vous voyez, donc les plus rapides seraient perdants, vu qu'il y aurait la taxe des milliers de fois par seconde. Les gens, je dirais, normaux, qui font des transactions à une vitesse humaine, auraient la taxe, je sais pas, quelques fois par jour. On pourrait penser revenir au boulier chinois? Oui, au lieu de toujours faire tout sur Internet trop vite. Peut-être parce que, voyons, j'oublie son nom, mais il y a un grand, très âgé, là, homme de la finance, qui est assez apprécié des médias. Là, lui, Joe Stiglitz? Non, mais lui, en gros, il disait que, comment il expliquait ça à ses employés, c'est que si c'est trop compliqué, si vous arrivez pas à m'expliquer votre produit pour que je le comprenne, on le fait pas. Vous savez, on fait ça simple. Et ben, je crois que c'est ça l'attitude. Il y a Pierre Pelladeau, père, qui disait KISS, qui était la version de Keep It Simple, Stupid. Oui, c'est ça. Il parlait pas beaucoup anglais, mais ça, il savait ce que ça voulait dire. Alors. Gardez ça simple, ma gang de stupides. Tout le problème, c'est que les grands gestionnaires des banques ont aucun contrôle sur la situation. Ils pourraient pas comprendre des espèces de machins mathématiques extrêmement compliqués faits par des employés qu'ils ne voient jamais et avec qui ils ne parlent jamais. Alors voilà, même les banquiers ont pas vraiment de contrôle sur ce système-là qui, comme je l'ai dit, est actif et fonctionne par des milliers de transactions par seconde. Alors vraiment, faut trouver des interdictions ou des taxes qui ralentissent le tempo, pour faire simple. Alors, pour faire simple, comme ça, on réussirait à désarmer la finance. Oui. Et si on veut aller plus loin, évidemment, on peut enlever le pouvoir de création monétaire aux banques qu'ils détiennent et rendre ça au gouvernement. Idéalement, et c'est le modèle chinois qui les a pas mal servis, je veux dire. Puis est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'Attaque France ou Attaque Québec, en terminant, Étienne Blondeau, qui pourrait nous éclairer ou nous désarmer de la finance? Des idées, par exemple, par Dominique Plion, il y avait des idées d'audit de la dette. On regarde la dette publique et on se dit, avec toute cette folie financière-là, à quel point elle est légitime, à quel point elle est valable. Et d'ailleurs, tu sais qu'on a eu Claude Vaillancourt il y a quelques semaines qui nous parlait du lancement du livre « Attaque Québec, la dette du Québec, vérité et mensonge », dans lequel il y a un chapitre signé par Claude Vaillancourt lui-même, le chapitre 7, « Un audit citoyen de la dette au Québec ». Alors ça, je pense qu'il n'y a pas que ce chapitre intéressant dans ce livre. Il y a aussi celui de Raphaël Langevin qui sera avec nous après cette pause musicale. À qui appartient la dette? Faites vos jeux. À qui appartient la dette? 80%, comme Sandrine Nadeau m'a dit tout à l'heure, peut-être qui appartient aux étrangers ou vice-versa, le principe de Pareto, 20%, 80% ou c'est 15%, 75%. D'après toi, combien de la dette québécoise ou canadienne appartient à des étrangers? Étienne? Ah, tu me l'as dit, c'est que je vais pas souffler la réponse. OK. Ben, après la pause. Je dois retourner vers le nord. L'un de mes frères m'y attend. Faudrait tirer, traîner le temps avec mon frère qui est dedans. Il pousse sur un traîneau géant. Les exploiteurs se font pesants. Faudrait rapporter du soleil. Rapporter du soleil. De la chaleur pour les enfants. Flatter les chiens du vieux chasseur. Boire avec lui un coup de blanc. Traîner le sud vers le nord. Notre sud est encore tout blanc. Ton père parlait du Labrador. Mon père parlait du Labrador. Du vent qui dansait sur la mer. Un homme marchait sur la neige, cherchant des chiens pour un traîneau. Il est rentré les yeux brouillés. Puis un avion nous l'a ramené. Un millier d'hommes sur la neige. Un millier d'hommes sur la neige, n'ont pas d'endroit pour retourner. Ils sont figés là sans connaître. Ils n'ont que du sud à penser. Je dois retourner vers le nord, chanter l'été du Labrador, du Labrador. Merci. Quel duo, hein? Quel duo. Vous avez reconnu les voix? Est-ce que vous avez reconnu les voix? Hein, je pense qu'il y avait, sur une chanson de Claude Dubois, il y avait Gilles Vigneault et Richard Desjardins. C'est quand même un duo intéressant. Raphaël Langevin, c'est des gens que vous connaissez, ça? Vous, comme jeune étudiant à la maîtrise en économie de l'énergie à l'Université Laval et chercheur à l'Institut de recherche et d'information sociologique, socio-économique, comme appelé l'IRIS. Oui, Richard Desjardins, je connais un peu, mais sinon, disons que c'est, je ne suis pas, j'ai seulement 27 ans, donc j'ai peut-être d'autres styles musicaux aussi. Là. Ah, ben si vous avez d'autres styles musicaux, après votre interview, on pourrait mettre la musique de votre goût. Mais on vous avait pas appelé pour ça, hein? On vous a appelé, merci. Vous êtes un des collaborateurs à ce livre qui est en train de devenir une bible pour tous ceux qui s'intéressent à la dette du Québec, Vérité et mensonges d'Attaque Québec. On a eu Claude Vaillancourt avec nous, Chantal Santerre, quelques autres, Dominique Bernier, mais vous, Raphaël Langevin, vous signez un chapitre, le sixième, « À qui appartient la dette? » Donc, oui. À qui appartient donc la dette du gouvernement du Québec? Bien, premièrement, c'est que c'est très difficile à chiffrer. Pourquoi? Parce que une dette, une fois qu'elle est émise, parce que le gouvernement émet, dans le fond, sa dette sur les marchés financiers, donc une fois qu'elle est émise, cette dette-là peut se transiger d'une main à une autre sans que le gouvernement soit nécessairement au courant de l'ensemble des transactions. Donc, c'est très difficile à chiffrer. Toutefois, ce qu'on sait, c'est qu'on sait qu'il y a environ 85% de la dette du Québec qui est émise en dollars canadiens. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement, lorsqu'il verse des intérêts et lorsqu'il verse le montant initial, là, le montant nominal, ce qui veut dire la fin de l'échéance, lorsqu'il rembourse le montant emprunté à la fin de l'échéance, il le rembourse en dollars canadiens pour 85% de sa dette. Oh. Donc, ce qu'on suppose que, à la suite de cette information, avec cette information, on suppose qu'environ donc 85% de la dette du Québec est possédée par des Canadiens ou des Canadiennes ou des institutions canadiennes. Donc, elles n'ont aucun problème à se faire rembourser en dollars canadiens. Est-ce qu'on doit donc dire que 15% est possédé par des étrangers? Ça serait une espèce de limite inférieure, où on dirait que 15% est possédé par, justement, des étrangers. Donc, c'est surtout libellé en dollars américains et, je pense, aussi en yens japonais. Mais ça serait une limite inférieure parce que il y a des étrangers qui peuvent posséder de la dette la dette du Québec, et se faire rembourser en dollars canadiens, même s'ils sont étrangers. Sauf que, vous conviendrez qu'entre vous et moi, c'est pas nécessairement quelque chose qui est intéressant. Bon, parce que ça dépend du taux de change, ça dépend aussi de la facilité ensuite à convertir le dollar canadien dans la devise étrangère qui facilite la vie aux détenteurs du titre. Je comprends que ça semble être pas facile de différencier livret du grain. Oui, non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, au final, mon chapitre, ce qu'il mentionne surtout, c'est que c'est pas nécessairement un enjeu très important qui détient la dette. Et c'est ça que je pense la plupart du temps. Je pense la plupart du temps dans le chapitre de mon livre à essayer d'un peu démystifier cet enjeu-là et surtout dédramatiser la question de la détention de la dette. Parce que on se souvient, dans le moment des Lucides, donc avec Lucien Bouchard, oui, et Pierre Fortin et plein d'autres économistes et pseudo-économistes au début des années 2000, on disait que les huissiers étaient à la porte du Québec. Ben oui. Et quand on entendait cette expression-là, on disait, ben, c'est les huissiers étrangers, donc c'est des gens de l'extérieur qui possèdent notre dette et qui vont venir chercher nos actifs. Mais ça, c'est complètement faux. C'est une image qui est frappante, certes, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité. Oui, mais on avait l'exemple de l'Argentine à l'époque. Là, on se souvient, oui, des Argentins qui faisaient la queue leu-leu devant des guichets automatiques, le stress, ils savaient qu'il y avait tant d'argent limité à chaque jour. On avait l'impression qu'il y avait une mainmise extérieure qui pesait sur les épaules des Argentins, non? Oui, oui. Sauf que cette question-là de la difficulté à avoir des liquidités, ce n'est pas lié directement avec la détention nationale ou étrangère de la dette. Ça, c'est plus la question en soi des fuites de capitaux. est-ce que le pays est capable de retenir son argent à l'interne, donc de retenir ses capitaux totaux, de les retenir pour l'investissement justement local, donc de l'investissement à l'intérieur du pays même, ou sinon il y a plusieurs facteurs économiques, politiques, que ce soit des récessions, que ce soit de l'instabilité politique, qui fait en sorte que les gens sont plus intéressés à sortir leur argent, surtout ceux-là qui en ont beaucoup, donc les investisseurs qui vont déposer des sommes d'argent importantes dans certaines banques, qui vont constituer dans le fond les liquidités que la population, elle, peut ensuite retirer pour ses affaires courantes. Donc, si ces investisseurs-là retirent massivement leur argent des comptes, bien, c'est sûr qu'il y a des fuites de capitaux, et ces fuites de capitaux-là font en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui, finalement, beaucoup de personnes locales, donc de personnes qui habitent dans le pays en difficulté, qui, eux, ensuite, ont de la difficulté à retirer de l'argent. C'est comme ce qui s'est passé en Grèce, dernièrement, oui, avec le contrôle des capitaux des banques. C'est parce que étant donné l'Union européenne, étant donné la zone monétaire unifiée, donc c'est beaucoup plus facile pour les investisseurs de transférer des sommes d'argent importantes de la Grèce vers l'Allemagne, par exemple. Ouais, l'Allemagne ayant un taux de croissance relativement élevé par rapport à la Grèce. Mais ce n'est pas en soi une cause, un symptôme de la dette, c'est plutôt un symptôme de la croissance faible, la croissance morose en Grèce comparativement à la croissance de l'Allemagne. Parce qu'on a comme compris qu'effectivement, ceux qui jouaient le rôle de huissier auprès de la Grèce, c'était les Allemands, c'était Mme Merkel, oui, la chancelière allemande, qui, de par ses déplacements dans le pays ou en Europe, rappelait à l'ordre les gens de Grèce. On peut pas l'appeler Mme la huissière? Non, pas du tout. Ce n'est pas... Il n'existe pas de huissiers internationaux. C'est faux. C'est clairement faux. Il n'existe pas de huissiers internationaux parce que simplement les prêteurs, donc les créditeurs ou les créanciers, plutôt on appelle les créanciers, donc les créanciers ne peuvent pas saisir une partie majeure des actifs des gouvernements emprunteurs, même si ces gouvernements-là sont endettés jusqu'au cou et ont de la misère à voir la lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, au final, un gouvernement ne peut jamais faire faillite. Un gouvernement peut éventuellement diminuer le poids de sa dette. On appelle ça comment s'il ne fait pas faillite? On appelle ça interdit bancaire, interdit chéquier? On appelle ça une restructuration. On appelle ça un défaut de paiement. C'est une opération qui s'apparente à la faillite, sauf que, à la différence de la faillite, le gouvernement ne liquide pas ses actifs. Ce qu'il fait, c'est qu'il ne renégocie avec ses créanciers, ses créancières, pour diminuer le poids de sa dette. Et non pas verser une partie significative de ses actifs pour rembourser une dette qui serait devenue insoutenable. Ça, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire des pays. Ce qui arrive plutôt, c'est qu'il y a une perte de confiance dans l'économie du pays qui est lourdement endetté, et ce qui fait en sorte qu'il y a une fuite de capitaux ensuite. Donc ça, c'est une autre conséquence qui n'est pas liée au poids de la dette, mais qui est plutôt liée au contexte justement politique et économique. Donc comme au Québec, notre croissance est relativement stable et notre situation politique aussi est relativement stable, même si, admettons, nous doublerions notre ratio dette sur PIB dès demain, si on a toujours cette croissance économique relativement stable, on n'aurait aucun problème à soutenir le poids de cette dette. Mais l'exemple de la Grèce semblait très éloquent pour déterminer cette fuite de capitaux. Il semblait-il qu'entre janvier 2010 et juin 2015, et je vous cite, hein, ça vient pas de moi, là, je pensais pas que je sors ça de mon tiroir, de mon chapeau, au cours de ces 5 ans, soit juste avant la mise en place du contrôle des capitaux par le gouvernement grec, il est estimé que près de 80 milliards d'euros auraient quitté la Grèce pour aller se réfugier principalement en Allemagne. Oui, exact. Mais ça vient de la décision des investisseurs européens qui, devant l'absence de variation de taux de change, parce qu'on est à une monnaie unique, on est seulement avec l'euro, qui, face à cette absence de risque-là par rapport au taux de change, peuvent facilement dire « je retire l'ensemble des euros, de la monnaie européenne que j'ai placée en Grèce, que j'ai investi dans n'importe quel type d'entreprise grecque ou dans le gouvernement grec, je les retire et je les place en Allemagne parce que le rendement, j'espère, va être beaucoup plus grand étant donné la différence de croissance, la différence de stabilité entre la Grèce et l'Allemagne. Donc, la fuite de capitaux, c'est une conséquence de l'instabilité économique. Mais l'instabilité économique n'est pas causée, elle, nécessairement par un niveau de dette élevé. C'est plutôt l'instabilité économique qui, elle, est beaucoup plus à même d'engendrer une augmentation de la dette. Et c'est ça un peu la critique des économistes, disons, plus de gauche, par rapport à la façon dont la crise de la dette grecque a été gérée. C'est le fait de croire que la dette était responsable de la mauvaise croissance. Mais non, c'est plutôt l'inverse. C'est que la mauvaise croissance a engendré des dettes plus grandes au fil du temps, et donc il faut s'attaquer à la croissance économique grecque. Il faut mettre de l'avant des politiques qui stimulent la croissance grecque, et non pas l'inverse, ce qui a été fait pourtant avec les plans de restructuration de la Troïka, donc ce qui a tué la croissance. On comprend grecque. Beaucoup mieux, oui. Maintenant, qu'il ne faut pas reléguer ça au calendre grec. Mais dans le cas du Québec, vous savez, on comprend bien, donc il y a des avantages à ce que la dette soit détenue localement, à titre de dette quelconque. Mais dans le cas du Québec, est-ce qu'il y a des choses que vous devez spécifier pour nous? Oui, mais j'en fais un peu mention dans le chapitre. Il y a trois arguments qu'on évoque souvent pour dire, bon, c'est plus avantageux de détenir localement nos titres de dette. Par exemple, le premier, si on dit, on va garder nos paiements d'intérêt ici au Québec, on n'enverra pas des paiements d'intérêt à l'étranger. Et ça, c'est le premier argument souvent qu'on évoque. Mais il faut relativiser ça. Pourquoi? Il faut relativiser parce que ces paiements d'intérêt-là, si, admettons, le gouvernement du Québec... ou si, admettons, une partie majeure de la dette du gouvernement du Québec est détenue par SNC-Lavalin ou Bombardier ou la Banque de Montréal, bien, eux, ces gens-là, avec les intérêts perçus sur les titres de dette qu'ils possèdent, ils peuvent très bien investir à l'étranger ensuite cet argent-là. Donc, le fait que les premiers détenteurs ou les premiers récepteurs des paiements d'intérêt soient québécois ou canadiens ne signifie pas que cet argent-là sera réinvesti nécessairement dans l'économie québécoise ou canadienne. C'est simplement un intermédiaire rendu à ce moment-là. Donc, il faut regarder un peu plus la nature des activités des détenteurs, des détentrices des titres de dette du Québec et non pas seulement leur localité. Mais, comme j'ai dit au début, c'est dur à faire parce qu'on ne connaît pas d'emblée qui exactement possède ces titres de dette-là. Raphaël Langevin, merci beaucoup de nous avoir éclairé si bien. Mais c'est sûr que je vous ai présenté comme étudiant à la maîtrise en économie à l'Université Laval et chercheur à l'IRIS, mais je vois quand même dans votre CV que vous avez été candidat pour Québec solidaire dans la circonscription de Portneuf en 2012. Est-ce que vous allez l'être à nouveau aux prochaines élections? Bon, ça, c'est à voir. La scène politique québécoise est très très changeante. Je vais regarder ce qui est offert devant moi, et surtout je vais regarder où est-ce que je pourrais le mieux utiliser les connaissances et l'expérience que j'ai acquises, quitte à être un simple conseiller pour d'autres candidatures. On m'a déjà traité, quand j'étais chef du Parti vert et candidat dans une élection partielle en Gaspésie, de Amir Kadir des Verts, et je trouvais que c'était tellement une belle qualité. J'étais vraiment fier, et quand j'ai rencontré Amir à ce moment-là, pendant cette élection, je lui ai dit, écoute, tu sais, dans les journaux, le Journal de Québec, là, Michel Hébert, commentateur, m'avait traité d'Amir Kadir des Verts. J'étais tellement fier, mais moi, je peux vous dire, je suis vraiment fier qu'Amir Kadir soit allé à Bruxelles la semaine dernière pour s'intéresser au libre-échange. Imaginez-vous donc qu'on a retrouvé le discours du ministre-président Wallon, Paul Magnette, le discours de 22 minutes qu'il a prononcé devant son Parlement pour annoncer que une des cinq provinces belges, donc la Wallonie en l'occurrence, allait dire non à cette entente de libre-échange avec le Canada pour toutes sortes d'arguments vraiment longs à expliquer. Moi, je pense que c'est de rendre service à nos auditeurs de faire entendre ce discours de 22 minutes. Donc, si vous êtes intéressé à écouter, restez avec nous. On vous parle de... Et c'est grâce à Basta, une association de médias libres, que j'ai pu recevoir cette version. Donc moi, j'allais dire, vive les Wallons, vive la Wallonie libre, qui nous libère du néo-libre-échangisme. Et juste avant que vous nous quittiez, Raphaël Langevin, pour nous remercier, il y avait une sorte d'écho. Est-ce que c'est votre costume de l'Halloween qui a commencé, ou c'est parce que vous aviez la radio qui faisait de l'écho? Non, non.

qu'un certain nombre des difficultés que nous rencontrons, elle les rencontre également dans son propre Parlement. Il y a eu un débat également à la Chambre basse du Parlement autrichien, qui a lui aussi été très, très, très approfondi. Et là aussi, le chancelier autrichien avec qui je suis entretenu de plusieurs reprises m'a dit la même chose. Plus on débat, plus on analyse, plus effectivement les parlementaires se posent des questions. Et s'il y a un débat ici en Wallonie, et s'il y a des réticences ici en Wallonie, c'est pas parce que nous sommes plus bornés que les autres, c'est pas parce que nous prendrions plaisir à être le petit village gaulois, c'est pas parce que nous rêvons d'autarcie, c'est tout simplement parce que dans cette région, il y a deux particularités qu'on rencontre assez peu ailleurs en Europe. La première particularité, c'est que la Wallonie a toujours été une terre de grande vitalité démocratique. Nous avons des organisations syndicales, des mutualités, des associations dans tous les secteurs extrêmement actives, dynamiques, vigilantes, mobilisées, qui ont étudié ce texte avec beaucoup de sérieux, qui ont consulté les meilleurs experts, qui ont remis des avis et qui ont alimenté nos propres travaux. Et cette vitalité démocratique de notre propre population, nous ne pouvons pas en faire fi. Nous ne pouvons pas en balayer balayer du revers de la main sous prétexte que nous risquons d'être isolés. Être isolé de sa propre population, être isolé de ses propres citoyens, à une époque au début du XXIe siècle où la démocratie est déjà tellement profondément en crise, ce serait au moins aussi grave que d'être diplomatiquement isolé. Et nous devons faire en sorte que ces liens très forts que nous avons soient préservés. C'est un premier élément du débat. Deuxièmement, nous sommes, ça nous a été rappelé ici par le professeur Koen Lenaerts, par ailleurs président de la Cour de justice de l'Union européenne, nous sommes l'une des très rares régions en Europe qui a constitutionnellement le même privilège en termes de droit international que les parlements nationaux. Nous avons, le gouvernement wallon a le pouvoir de signer et donc aussi celui de ne pas signer un traité, et votre parlement a le pouvoir de ratifier et donc aussi celui de ne pas ratifier un traité. Et ceci donne évidemment une très grande gravité à nos débats. Si nous n'avions pas ce privilège, nous n'aurions pas le panel de caméras venus des quatre coins de l'Europe qui sont ici. Pas grand monde ne se soucierait de la vie de la Wallonie si la vie de la Wallonie n'était pas décisive. Et donc nous avons de ce point de vue-là une responsabilité politique majeure. Et tout l'art de la politique, c'est de savoir utiliser ces responsabilités, dire... Comme Madame de Franfirquet, nous avons un pouvoir formidable, nous avons une société civile qui s'est mobilisée, c'est très bien, mais enfin bon, à quoi bon? Laissons tomber, signer, ratifier, et puis allons de l'avant, et ignorons tout le travail que nous avons fait, ce serait remettre en cause nos propres compétences constitutionnelles, et ce serait remettre en cause notre propre vitalité démocratique. À quoi sert alors un Parlement, s'il faut de toute façon signer, s'il faut de toute façon ratifier? À l'inverse, dire « mettons tout ça à la poubelle, ça ne sert à rien de discuter », ce serait non seulement confirmer un isolement complet, mais ce serait aussi ne pas utiliser pleinement le pouvoir qui est le nôtre. Bien sûr, nous utilisons pleinement ce pouvoir, mais nous l'utilisons pour obtenir quelque chose, pas juste pour crier non, pas juste pour dire « nous ne sommes pas d'accord ». Pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Quand on a dit qu'on n'était pas d'accord, il faut ensuite dire ce que l'on veut. Et il faut utiliser le rapport de force que l'on a construit pour obtenir des concessions qui vont dans le sens de ce que sont nos aspirations et de ce que sont les aspirations de notre population. C'est ça, la politique. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et c'est difficile. Mais malgré tout, il faut aller au bout de cet exercice. Alors bien sûr, nous ne sommes pas contre le commerce. Bien sûr, nous ne sommes pas contre le Canada. Si on pouvait déjà s'épargner ces caricatures, si on pouvait s'épargner ces simplismes, on gagnerait non seulement beaucoup de temps, mais on gagnerait aussi beaucoup dans la qualité des relations avec nos partenaires européens, avec nos partenaires canadiens. Bien sûr que les Canadiens sont nos amis. Bien sûr que nous regrettons finalement que cette discussion, je l'ai dit, qui est une discussion de principe, tombe sur ce traité avec le Canada, qui est certainement l'un des pays les plus proches de nous au monde. Tombe sur ce traité qui est certainement, effectivement, l'un des plus avancés aujourd'hui au monde. Mais ce n'est pas parce que nos amis sont nos amis, et ce n'est pas parce que ce traité est moins bon que moins mauvais que d'autres, que nous devrions renoncer à exercer notre responsabilité, notre devoir de vigilance démocratique. Nous sommes un partenaire commercial important du Canada. Nous sommes d'ailleurs, l'année dernière, nous avons un excédent commercial de 115 millions vis-à-vis du Canada. C'est la preuve qu'on commerce très bien avec le Canada et même sans le CETA, et que nous ne sommes pas en train de nous refermer sur nous-mêmes, de nous racrapoter comme certains le disent et le prétendent. Je reviens du Japon. J'ai passé 3 jours à défendre, effectivement, nos entreprises présentes sur place pour les aider à exporter davantage, à essayer d'attirer chez nous des investisseurs étrangers, et je n'ai pas de discours. Je suis convaincu que la Wallonie doit être une Wallonie ouverte. Je suis convaincu que la Wallonie doit exporter et qu'elle doit attirer des investissements étrangers. Et je sais que pour ce faire, nous avons besoin d'instruments juridiques. Mais à nouveau, ça ne veut pas dire, donc, on doit tout accepter, donc, on doit se priver du pouvoir que nous avons d'avoir un vrai examen critique. Sachons faire la part des choses. Nous ne sommes pas contre le commerce, nous ne sommes pas contre le Canada. Et je dirais d'ailleurs que c'est bien justement, Madame de Franfirquet, parce que les Canadiens sont nos amis, que nous pouvons nous permettre de leur dire que nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre de choses. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas quand la discussion, tout d'un coup, commence à glisser vers la menace, comme on a pu l'entendre ces derniers jours. Attention, il y aura des conséquences. Attention, il y aura des rétorsions, etc. Je n'aime pas ça du tout. Je trouve que ce n'est pas digne d'un débat démocratique. Je n'aime pas non plus quand ça commence à glisser tout doucement vers des choses qui s'apparentent à l'injure. J'espère que, justement parce que nous sommes des amis, nous pouvons éviter entre nous les menaces et les propos plus ou moins injurieux, et nous pouvons nous dire les choses franchement, en toute sincérité, en toute compréhension réciproque. Quand on a un ami qui a des difficultés, on l'écoute et on essaye de comprendre ses difficultés et on essaye de voir avec lui comment on peut les surmonter ensemble. Et cela vaut autant dans les relations diplomatiques bilatérales que ça ne vaut dans la vie de tous les jours, et c'est le message que nous voulons faire passer. Alors nos difficultés, elles sont bien connues. Nos difficultés, elles sont d'abord sur la forme. Et je vous rejoins, Madame Reichmans, et je vous rejoins, Monsieur Azé, là-dessus largement. Vous avez été applaudi d'ailleurs sur les bancs de la majorité à certains moments. Il y a un vrai problème avec la manière dont on négocie ces traités commerciaux. Il y a un vrai problème, et ceux qui aujourd'hui ne le comprennent pas sont en train de préparer une crise du commerce bilatéral exactement équivalente à celle que nous avons connue il y a 15 ans avec la crise du commerce bilatéral. En 2001, souvenez-vous, l'OMC nous dit « on ouvre le cycle de Doha, un nouveau grand cycle de libéralisation multilatérale, formidable, ouvert, hein, on fait des grandes négociations secrètes, mais on prépare une petite salle dans le coin où les ONG peuvent faire semblant d'être tenues informées, et de temps en temps on vient leur faire coucou en disant « ça va, vous voulez bien encore un peu d'eau, encore un peu de café ?» mais sans rien leur donner comme véritable élément d'information et sans débat. Eh bien, ça ne marche pas, et ça ne marchera plus jamais. Les rounds de Doha sont enlisés depuis 15 ans, et c'est pour ça que nous faisons aujourd'hui des discussions bilatérales. C'est justement parce que le multilatéral ne fonctionne plus que l'Europe essaye de renouer des relations avec les partenaires les plus proches, avec le Canada, avec le Japon, demain avec les États-Unis, et de le faire sur d'autres bases, de le faire en incluant dans ces relations des normes, des règles sociales, environnementales, de respect des droits de l'homme, de respect de l'exception culturelle, qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus solides que celles qu'on peut trouver dans les traités de libéralisation multilatéraux. Et c'est pour ça que nous devons, si nous sommes progressistes et si nous sommes ouverts au monde, et si nous voulons, nous, Européens, continuer de jouer un rôle sur la scène mondiale, nous devons défendre l'idée de traités bilatéraux qui fixent des normes et des standards élevés. Moi, je ne suis pas, Monsieur Gillot, pour dire on met le traité à la poubelle. On met le traité à la poubelle, ça veut dire on met le traité à la poubelle et puis quoi? Et puis rien. Et puis on aura exactement ce qu'on a encore aujourd'hui, des multinationales avec parfois des chiffres d'affaires supérieurs au PIB de certains États membres qui pensent qu'elles peuvent fixer la loi. Des multinationales qui recourent à des juridictions privées ou à la menace du désinvestissement, à la menace de retrait, à la menace de rétorsion. C'est ça le monde réel d'aujourd'hui. Et ce que nous voulons éviter, ce dont nous voulons sortir, précisément en édictant des règles socio-économiques et environnementales à l'échelle mondiale qui transposent dans les relations entre les États ce que nous sommes parvenus à construire dans le chef de nos États, décennie après décennie, au nom de longs combats sociaux. Les droits sociaux ne sont pas venus comme ça en une fois. Les normes environnementales ne sont pas venues comme ça en une fois. Elles sont le résultat d'une longue mobilisation de la société qui s'est traduite à un moment donné par une législation. Eh bien, il en va exactement de même à l'échelle internationale. Et si nous voulons demain qu'il y ait de vraies normes sociales, si nous voulons que les conventions de l'OIT soient applicables, respectées, contraignantes, si nous voulons qu'il y ait de vraies règles en matière des droits de l'homme, du développement durable, il faut faire un travail de négociation pour obtenir un premier traité qui fixe les standards aussi hauts que cela deviendra la norme européenne. C'est ça l'enjeu du CETA. C'est ça l'enjeu fondamental du CETA. Et c'est pour ça que nous devons dire non pour négocier. Non pas non pour tous aborder, donner un coup de pied dans la fourmilière, mais non pour créer un rapport de force qui nous permette d'obtenir plus de normes sociales, plus de normes environnementales, plus de clauses de respect des services publics et qui nous permette demain de dire voilà le standard européen. Et quand l'Union européenne ouvrira une négociation avec le Japon, avec les États-Unis, États-Unis ou avec n'importe qui d'autre, c'est à partir de ce standard-là que l'on discutera. C'est ça l'enjeu fondamental. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces débats sont aussi forts. Mais ça, on ne peut... Et une telle négociation, on ne peut évidemment pas la mener selon les méthodes habituelles. On ne peut pas faire du nouveau avec les méthodes à l'ancienne. Un mode de pensée qui a produit les problèmes d'aujourd'hui ne peut pas produire les solutions de demain, disait en substance Albert Einstein. Et donc c'est toute la manière de faire des négociations commerciales qui doit changer. Dans le traité vers la paix perpétuelle, Emmanuel Kant disait, je cite, toutes les actions relatives aux droits d'autrui dont la maxime n'est pas susceptible de publicité sont injustes. C'est devenu un principe fondamental du droit international. En d'autres termes, tout ce que l'on n'a pas à cacher, on ne doit pas le cacher. Si on n'a rien à cacher dans ces accords commerciaux, si vraiment le CETA est bon pour les petites et moyennes entreprises, si le CETA est bon pour les agriculteurs, si le CETA est bon pour les services publics, si le CETA est bon pour la croissance, alors pourquoi faut-il le négocier en secret? Pourquoi n'a-t-on pas la confiance de le faire devant les citoyens? Il y a là une contradiction fondamentale dans la méthode. Elle s'est appliquée depuis le début, et ce n'est pas, Madame de Franck, que nous nous soyons réveillés après 10 ans. Un mandat a été donné en 2009, mandat d'une vingtaine de pages, qui fixe les balises et le cadre. Entre 2009 et 2015, la Commission négocie au nom de l'Union européenne, c'est son rôle, mais ne rend pratiquement aucun compte, ne donne pratiquement aucune information sur ce que sont ces négociations en cours. Et puis on arrive en 2015 en disant « Bonjour, voilà, c'est fini ». Et les 20 pages sont devenues 1600 pages. Et maintenant, on vous demande de dire « Amen ». Eh bien non, c'est ça précisément qui ne marche pas. Et c'est précisément parce que nous ne pouvons plus accepter cette manière-là de faire de la négociation commerciale que nous avons, dès septembre 2015, dès que les textes nous ont été connus, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Je ne vais pas vous faire l'interminable liste des contacts que nous avons eus depuis plus d'un an. Mais j'aurais rappelé quand même que c'est le 18 septembre 2015 que j'ai indiqué à la ministre québécoise des Relations internationales ces difficultés que nous avions avec le CETA. Que c'est quelques jours plus tard, le 2 octobre 2015, il y a plus d'un an, que je me suis rendu au bureau de Mme Malmström, la commissaire en charge du commerce au Berlaymont, pour lui expliquer très clairement les difficultés que nous avions avec ce traité, que tout au long de l'année, nous n'avons pas cessé d'avoir des contacts avec nos partenaires européens, avec la Commission, avec le Canada, mais que tout ça n'a pratiquement rien donné. La première réunion de coordination intra-belge a eu lieu le 6 juillet 2016. Entre octobre et juillet, pendant 10 mois, il ne s'est rien passé. Tout d'un coup, en juillet 2016, on a commencé à se dire « Tiens, ces Wallons, ils ont l'air déterminés. Ces Wallons, ils ont l'air de savoir ce qu'ils veulent et ils ont l'air de vouloir aller au bout. Donc il va falloir commencer à discuter avec eux. » Quelques jours plus tard, j'appelais le Premier ministre québécois, M. Couillard, en lui disant « Je comprends que c'est difficile de tout renégocier, mais comprenez que nous avons dans une résolution énoncé quelques balises fondamentales et nous voudrions pouvoir rediscuter sur ces balises. » Dans un instrument juridique à définir. Ça peut être un protocole, ça peut être une convention additionnelle, ça peut être une déclaration interprétative, du moment que c'est juridiquement contraignant. Et à ce moment-là, on m'a dit « Pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée », mais rien n'a suivi. Et il a fallu attendre, j'ai répété ceci encore fin septembre à l'envoyé spécial M. Trudeau, M. Petitgros, et aux ambassadeurs, mais il a fallu attendre le 4 octobre pour qu'on nous donne oralement les premiers éléments de ce qu'était la table des matières d'une éventuelle déclaration interprétative. 4 octobre, en nous disant, et s'il vous plaît, essayez d'être d'accord, nous sommes déjà en retard, essayez d'être d'accord pour le 11 octobre, en tout cas au grand plus tard pour le 18, qui est la réunion du COREPER. Qu'est-ce qui nous est arrivé, qui nous a été présenté oralement, qui nous est arrivé seulement le 6 ou le 7 en soirée, dans une version partielle, et d'où nous recevons encore chaque jour des petits compléments. Tous les jours, je reçois un petit bout de déclaration interprétative en plus, avec un peu l'idée « Allez, c'est pas assez, tiens, voilà encore un petit morceau, vous finirez bien par dire oui ». Mais ça ne va pas sur la méthode, ça ne va pas, je le répète et je l'ai redit. Je l'ai dit hier soir au président Hollande, je l'ai dit hier soir au président de la Commission Jean-Claude Juncker, je l'ai dit à tous ceux qui ont eu la gentillesse et la courtoisie de m'appeler pour me poser la question de la situation de la Wallonie. Nous voulons bien discuter, mais nous voulons nous mettre autour d'une table, en toute transparence, dans le respect des règles démocratiques, démocratique, nous voulons pouvoir dire, nous Wallons, voici les balises que nous voulons absolument retrouver dans un traité, et c'est seulement à l'issue d'une telle négociation, et si les partenaires européens et canadiens rencontrent l'essentiel de nos préoccupations, que nous pourrons vous dire, alors oui, c'est un traité qui fixe des standards très élevés et il mérite d'être défendu. Mais à l'heure qu'il est, je n'ai toujours pas de réponse. J'ai appelé ce matin encore le ministre fédéral des Affaires étrangères, Didier Reynders, pour lui expliquer cette piste. J'ai senti un intérêt. J'espère que nous pourrons aller avancer dans cette direction et c'est fondamentalement ma volonté. Mais il faut pour ça qu'il y ait une vraie volonté de changer la méthode et de démontrer, en bout de course au moins, mieux vaut tard que jamais, que face à des régions qui ont des difficultés, et nous sommes moins isolés qu'on le pense. Bien sûr, personne n'ose sortir le premier. C'est toujours le même jeu. Toujours, on se dit, celui qui sortira le premier, c'est lui qui se fera blâmer, c'est lui qui aura les mesures de rétorsion, c'est lui qui sera mis sous pression. Et beaucoup attendent en se disant, tiens, est-ce que les Wallons vont sortir les premiers, ce qui me permettra de ne pas devoir sortir, puisque tout le processus sera paralysé. Petit jeu tout à fait classique. Mais je peux vous... Félicitations, ministre-président Paul Magnette, vous êtes sorti le premier. Vous êtes vraiment sorti le premier contre le libre-échange, ce que le Québec pourrait faire éventuellement, puisqu'il a effectivement parlé à M. Couillard, à M. Petitgroux, l'envoyé spécial de Justin Trudeau. Alors, c'est le fun, on apprend des choses. Hein? On nous tient pas au courant de ça, de ces téléphones entre Couillard et le ministre-président, entre notre ministre des Relations internationales et nos envoyés spéciaux. Il y a sûrement eu des rencontres aussi avec l'avocat Pierre-Marc Johnson, avec les Raymond Chrétien de ce monde et ces gens-là. Donc, merci, ministre-président Wallon, Paul Magnette, qui est commandeur de l'ordre de Léopold, donc du roi de Belgique, depuis 2014, depuis deux ans. Depuis deux ans, il est, ce qu'on pourrait dire, premier ministre de la province de Wallonie, là, si on peut québéciser la géographie. C'est un prof de Sciences Po, en fait, hein, qui enseigne à l'IEP de Paris et il l'a fait aussi à Bordeaux. C'est un spécialiste de l'Union européenne, donc on peut pas y en passer des petites vites sur la manière que fonctionne. Il a écrit plusieurs livres là-dessus. Il enseigne l'Union européenne à Paris, à Bordeaux, et il est souvent invité. Donc on le félicite, ce bourgmestre, donc un maire de Charleroi, en Belgique, en région wallonne, et qui a été ministre du climat et de l'énergie en 2007. C'est peut-être à ce moment-là qu'il a viré un peu capot comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Étienne Blondeau? Je sais pas quoi ajouter. Le discours était très bon. Je dirais que les Wallons ont sauvé l'honneur. J'aimerais pouvoir en dire autant des Québécois, mais malheureusement, les Québécois, leurs politiciens en tout cas, essayaient de mener cet accord-là de manière assez honteuse. Et je voyais un commentaire de nos amis d'Attaque Québec là, que j'ai reçu pendant l'émission, justement. Oui. C'est qu'hier, il y avait des manifestations à Montréal. Quelques centaines de personnes étaient présentes sous la pluie, avec beaucoup d'efforts. Et qu'est-ce qu'on a vu aux nouvelles de Radio-Canada? Nada, rien. Oui. Ce qu'on a vu, c'est une ministre du commerce qui était sur place. Elle a entendu ce discours qu'on vous a diffusé il y a quelques minutes. Et tout ce qu'on a mis aux nouvelles, parce que j'ai pas vu les nouvelles de télé, mais à la radio, c'est qu'on entendait pleurer notre ministre Freeman du commerce extérieur. Ah, la pauvre. Alors, pauvre, elle a pas réussi à nous rentrer la pâte à dents dans le tube. Alors, merci, ministre président, de pas avoir succombé aux pleurs de notre ministre. Quel argument. Est-ce que tu as un nom? Est-ce qu'un député, un ministre, un ancien premier ministre qui pourrait parler comme ça, s'exprimer de cette façon aussi bien? C'est très difficile, honnêtement, à l'heure actuelle. Peut-être Lucien Bouchard bien enragé, mais c'est arrêté le dernier à parler contre le libre-échange, je pense bien. Ouais, il utilisait son talent d'orateur pour autre chose. René Lévesque, je sais pas s'il aurait été autant contre le libre-échange. Je pense pas que ça existe. Il y a peut-être des Amir Kadir qui traînent à quelque part, des Jean-François Lisée peut-être bien enragé, mais on connaît pas encore trop la politique du PQ, il faudrait peut-être s'en informer. Mais Québec solidaire, ça me semble assez clair qu'ils sont contre le libre-échange. Oui, juste un mot, les péquistes sont assez libre-échangistes pour l'instant. Oui, c'est sûr, ils ont cette tradition landriiste que même Bernard Landry, ancien ministre du commerce extérieur, des affaires internationales et premier ministre, avait réussi à convaincre, semble-t-il, Jacques Parizeau des bienfaits du libre-échange. Mais Jacques Parizeau, avant de décéder, a dit que non, peut-être qu'il s'était trompé. J'ai rencontré dans le cadre du Forum social mondial Bernard Landry, j'ai dit, est-ce que vous êtes à la veille de demander pardon de tout ce que vous avez fait pour le libre-échange. Il est parti à rire, mais peut-être qu'il viendra l'argumenter ici en ondes, on verra. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.